là là là là là là là là là là là là là là Sébastien ! Oui, Matine ! Oh là là là là, c'est le Roller Derby ! On est retour dans 2 minutes, c'est parti pour un nouveau match. C'est le 7ème match du week-end, je crois. Oh, je sais plus, là, j'ai perdu les comptes. Combien ? Hier 5, ouais, c'est ça, 7ème. Hier 5, ce matin, 6, là, c'est le 7ème, c'est ça. 7ème match du week-end de Roller Derby, cette fois-ci. Un beau match, hein, a priori, qui va devenir, puisqu'on va retrouver le derby, est-ce qu'on peut dire le derby bordelais, je ne sais pas, entre les petites morts de Bordeaux et le Sambé de Mérignac. Gnac. Voilà, elles sont quoi, à une demi-heure de tram les unes des autres. Donc c'est vraiment pas loin. Dans 1 minute 30, on va assister à ce petit derby du derby. Ouais, le derby dans le derby, ouais. Et voilà, deux équipes. Alors attends, je vais te trouver le classement. Il me semble que les petites morts sont premières du classement. Alors en tout cas c'était le cas au début du week-end, et puis elles ont battu Pivrac, il me semble, si je dis pas de bêtises. Elles ont battu Pivrac ou pas? Oui, elles ont battu Pivrac. Hier, je sais plus du tout, je cherche le classement aussi. On se perd avec tous ces matchs, mais il me semble que les petites morts en tout cas sont devant, sont premières du classement. Voilà, donc une équipe extrêmement dangereuse. Le Sambé qui est une bonne équipe aussi. Mais bon, j'ai appris hier que le Sambé n'a pas exactement la même équipe que les deux derniers week-ends. Ah bon? Elles ont perdu des joueuses et des bonnes joueuses, parce qu'il manquait des joueuses dans l'équipe élite du Sambé. Voilà, le Sambé a deux équipes, il y a l'équipe élite qui est au-dessus de la N1, okay. Et l'équipe B, donc, qu'on a aujourd'hui, qui est la deuxième équipe. Et apparemment, il manquait des joueuses en élite, donc il y a quelques joueuses du Sambé qui est partie en élite. Et donc on a une petite baisse du niveau du Sam, ce qui explique peut-être aussi sa défaite hier face à Limoges. Oui. Et donc on verra ça. Donc a priori, voilà, les petites morts risquent d'avoir un peu d'avance sur ce match. Mais bon, on sait jamais. On a vu Limoges battre le Sam hier. On a vu les Valiant Beaches être à deux doigts de battre Pivrac hier. On sait jamais ce qui peut arriver, et c'est ça qui est cool. Ah oui, c'est un week-end surprise. Après, comme je disais dans le match précédent avec Alia, c'est le dernier week-end, c'est la dernière ligne droite de ce championnat. Donc je pense qu'elles ont envie de jouer le tout pour le tout pour essayer de finir le mieux classé possible dans ce championnat. Adrénalise nous fait signe de tête que oui. Elles sont prêtes à se péter la jambe s'il faut. À tout donner. Pour gagner ce week-end, c'est sa toute dernière étape. Troisième week-end de championnat, 7ème match sur 9. Ça allait ce matin, Seb, avec Alaya? Eh ben, très très bien, très très bien. Bon, après, elle a débarqué, elle connaissait pas du tout ce sport-là, donc il a fallu qu'elle découvre, qu'elle apprenne, qu'elle comprenne, parce qu'il y a beaucoup de subtilités, mais ça s'est plutôt bien passé. Et très bien, j'espère qu'on pourra la retrouver pour un autre match. Ouais, voilà, vous avez entendu, je coupe la musique parce qu'on va pas tarder à retrouver nos joueuses sur le track. Ça y est, Lisa, on va commencer dans quelques secondes. Les petites morts de Bordeaux, première du classement contre le Sambé de Mérignac, troisième du classement. En tout cas, au début du week-end, il n'y a pas eu encore les mises à jour officielles sur le site internet. Donc on va se focaliser sur le classement. Et c'est parti, Picasso pour les petites morts, Sugar Rush pour le Sambé. Alors le Sambé joue en noir et les petites morts jouent en blanc. Voilà, exactement. Si jamais vous suivez la retranscription vidéo qui est sur la page Facebook du Roller Derby Côte Basque. Roller Derby Côte Basque, exactement. Ça, si voilà. Vous tapez Valiant Beaches sur Facebook, normalement, vous les retrouvez assez facilement. Voilà, il faut aller sur le. Manu Chupita m'a dit qu'il faut aller sur l'événement. Il y a un événement Facebook. Et là, vous aurez toutes les infos et le lien vers la retransmission vidéo. Vous mettez ça d'un côté, vous mettez ensuite les commentaires sur radionoculture.wordpress.com et vous serez tranquille pour passer un bon dimanche. C'est le deuxième match de la journée, il en reste encore deux autres. Et sur ce premier jam, le Sambé qui prend un léger avantage, un petit boom track, 4 points. Ouais, ça démarre bien pour le Sambé. Voilà, on rappelle, c'était Sugar Rush. Est-ce que tu te rappelles le Sugar Rush hier? Ouais, ouais. Qui était, déter. Voilà, c'est le mot. Le visage fermé, voilà, déterminé. La mâchoire serrée. Voilà. Est-ce qu'elle va nous faire aussi bon match qu'hier? C'est ce qu'on verra. En tout cas, pour l'instant, c'est Derchater pour les petites morts qui a pris le lead sur ce deuxième jam. Toujours pas de sortie pour la jammeuse Eternal Flamme du Sambé. Ça y est, après un faux star pass, il me semble. C'est ouais, ça. Une tentative de star pass, mais finalement, elle a gardé son étoile à la main. Voilà, pour l'instant, c'est le Sambé qui a l'air de prendre un peu les rênes de ce match. Bon, on est qu'à deux jams, hein, mais c'est la petite mort qui s'en sort mieux, je pense, là, sur ce jam. Voilà, qui prennent 4 points. 4 points, 4 partout. Ah non, 2 points aussi pour le Sambé. Donc 6 à 4 sur le score général. Le Sambé qui a une très très légère avance. Et ouais, 2 points, c'est très très léger. On peut quasiment pas faire moins. Quasiment, on pourrait faire quoi 1 par exemple, mais pas moins. Ouais, c'est clair. Allez, c'est reparti pour un nouveau jam. Les joueurs se mettent en place, les joueuses. Et ça démarre. Ça bloque bien là, des deux côtés, les jammers ont du mal à trouver de l'espace et j'ai cru que ça passait pour le petit mort. Et si ça passe pour la jammeuse des petites morts, de Sambé, des multipass, et ça y est, ça passe pour Misty Elliott des petites morts. Qui est pas loin derrière, un petit quart de track. Voilà. Derrière. Et ça passe à l'aise, oui, très joli. Très joli. Multipass qui passe, qui ne touche aucune adversaire, ouais. Qui passe entre les mailles du filet. Ouais, en multipass. Pour finir par faire un joli bon track, 10 à 4, le Sambé légèrement devant, ça fait même pas 3 minutes qu'on est sur ce match. Voilà, c'est aussi important de prendre l'ascendant, d'essayer de prendre l'ascendant en tout cas au début du match. Ouais, pour le côté ascendant psychologique, voilà, c'est ça. Mental. Mais bon, là les petites morts, ça arrive souvent que les équipes se réveillent au bout d'un moment, il faut qu'elles s'échauffent un petit peu parfois avant, qu'elles se mettent dans le match. Ça va bien pour l'instant pour le Sambé, les petites morts sont derrière, 2-6 petits points. Et on démarre ce nouveau jam avec une bloqueuse de petites morts qui est en prison. Ouais. Là, sa bataille ferme, mais ça passe pour. C'est Hacker. Hacker, ouais, qui est passé pour les petites morts, la jammeuse de Hacker. Exactement. Voilà. Et la jammeuse de Sambé part en prison. Donc ça va être un power jam pour Bordeaux. Qui va essayer de remonter score. Il manque. Les deux équipes ont seulement 6 points d'écart. Soit un tour et demi, on va dire, pour simplifier. Elle prend 4 points. Et elle colle. Pour démarrer sur un power start. Exactement, parce qu'on rappelle que la stratégie la plus importante au roller derby, c'est de prendre le lead. C'est-à-dire que c'est la première des deux jammeuses qui arrive à passer le pack adverse la première fois, qui prend le lead et qui a le pouvoir d'arrêter le jam absolument quand elle veut. Ça donne un énorme pouvoir de contrôle sur le jam. Et donc démarrer sans la jammeuse adverse, mais ça donne évidemment un énorme avantage. Et en plus de la jammeuse adverse, il y a aussi une bloqueuse qui est en prison. Donc on est à 5 contre 4. Voilà. Et voilà, et évidemment Bordeaux en profite pour sortir très très facilement de ce pack en 2 secondes à peu près. Et puis Casso fait assez vite le tour du track pour essayer de marquer 4 points. Ouais, il faut profiter à fond de ce power jam là. Elle passe, est passée. Jolie petite vrille à l'intérieur. Voilà, avec un petit demi-tour sur elle-même après un contact avec la dernière bloqueuse de Sambé là. Bien joué. Donc et, les petites qui passent devant. Et c'est le retour au compteur de la jammeuse de Sambé. Du Sam de Mérignac. Ouais. Mais il faut qu'elle fasse son passage initial qu'elle a toujours pas fait. Hein. C'est ça, alors qu'il y a déjà 8 points pour les petites morts. Elle peut mettre facilement 4 points de plus là, si elle s'en sort bien. Ça travaille bien. Voilà. Elle va continuer elle à essayer passe, de ranger elle des passe, points. Elle passe, elle passe, oui, et voilà, passe. 4 points de ça plus passe. Pour les petites morts. On est à 12-0 pour l'instant sur ce jam. Elle va continuer tant que la jammeuse du Sam n'est pas passée, puisqu'on rappelle que le premier passage ne compte pas de points, donc elle a encore un peu de marge. Elle va continuer à essayer d'arranger des points tant que la jammeuse adverse n'est pas passée pour la première fois. Et c'est ça. Et c'est pas le cas, c'est Pixel, c'est toujours Pixel pas passé, qui bataille. Il y a eu un star pass là, et du côté de Sambé. Mais ça y est, qui passe enfin. Mais Picasso a eu le temps de refaire un passage complet, de mettre 4 points. Et là, elles sont les deux au coude à coude. Il n'y a pas de. Et Picasso, elle colle. Je trouve ça étrange que. Elle a tardé, elle aurait pu le faire là, bien avant. Parce qu'elle a failli rattraper le pack là. C'est ça, donc c'était vraiment. Et on rappelle que normalement le jam s'arrête à partir du moment où le sifflet. Retentit, et donc il peut y avoir une seconde de décalage entre le moment où elle fait le geste et le moment où le sifflet sonne, et cette seconde peut engranger des points. C'est ça. Ça arrive même assez souvent. Mais là, il faut prendre un petit peu d'avance sur le signe autant que possible. Là, ils ont bien profité de ce power jam là. 16-0 de prix. 16-0, c'est bien joué de la part de Bordeaux qui passe largement devant avec 14 points d'avance. Ouais. Donc, du coup, Sambé qui avait pris un peu l'ascendant au départ, là, vient de perdre un sacré écart. Ouais. Enfin, sacré. Il n'y a que 14 points. Hein, mais, 14 points. C'est pas mal. Sur un seul jam, c'est vraiment pas mal. Voilà. Et il continue derrière, c'est Der Chatter pour les petites morts de Bordeaux qui prend le lead derrière. Donc voilà, petit ascendant psychologique, j'ai l'impression. Derrière, un petit star pass, un faux star pass pour Sugar Rush qui arrive déter comme à son habitude. Ouais. Est-ce que ça va coller de l'autre côté? Je crois que oui. Elle colle. Ouais, elle prend quoi? Elle prend 2 points. Deux points. Ouais, apparemment. Non, j'arrive pas bien. Deux ou trois. J'arrive pas à avoir le pouce. Deux. Moi, je dirais deux. Je suis pas sûr. Non, quatre. 4 points. Il était de profil, on voyait pas bien. Ouais, voilà. Ses doigts, 4 points donc, 28 points pour les petites morts de Bordeaux. Le Sambé reste à 10 points. Ça fait presque 7 minutes que ça a commencé. Et c'est Bordeaux qui prend tranquillement une petite avance. Voilà, tranquillement mais sûrement. Pour une petite avance, ouais. Et on va voir si Sambé va réussir à réagir. C'est ça. Elle qui avait commencé fort. Là. Mais voilà, bah Bordeaux a pas mis très longtemps à se réveiller. Voilà, le temps de se chauffer sur les 2-3 premiers jams. Et là, pam, Misty Elliott pour Bordeaux prend le lead. La jambes de Sambé a toujours pas fait son passage initial. Hein. Voilà, beaucoup plus difficile. D'un coup, vraiment, Bordeaux s'est réveillé. Une meilleure défense, une meilleure attaque au bout de 2-3 jams. Ouais. Et ça devient beaucoup plus difficile pour le Sambé. Ça y est, le Sambé est enfin sorti du pack après un faux star pass. Est-ce que c'est un star pass? C'est le fait simplement de. La jameuse qui a donc l'étoile va enlever son bonnet et va essayer de le passer à la pivot, celle qui a le trait sur le casque. C'est ça. Elle peut aussi le garder si elle a envie et faire semblant. Voilà. C'est tout à fait possible. L'idée, c'est un peu de déstabiliser l'adversaire. C'est ça, c'est feinter, le déstabiliser. Alors, il y a une bloqueuse du Sambé qui est partie en prison. Non, de Bordeaux, c'est Bordeaux. Ah oui, pardon, j'ai du mal parce qu'hier, elles ont joué en blanc, Sambé. Oui. Donc, du coup. Oui, bon, si, ça me perturbe un peu. Ça me perturbe encore là. Ça va finir par rentrer d'ici. Ouh, il y a eu une tentative de petit saut de biche dans le virage, ouais. Mais qui a fini sur un atterrissage sur les fesses. Pour l'instant, elles étaient à 4 partout. Je pense que la joueuse, la jameuse des petites morts, voilà, a engrangé 3 points de plus, donc 7 à 5. 7 à 5. Le Sambé a réussi à avoir un petit point, 7 à 5. Mais bon, voilà, on arrive aux 20 points d'écart sur ce jam. Bordeaux devant qui prend tranquillement son avance. 20 points d'écart, ça commence à être plus difficile à attraper. C'est possible, mais c'est rare quand même d'arriver à 20 points sur un seul jam. On rappelle que le record du week-end, c'est 24. Hier, Sacha Furious et son équipe des Valiant Beaches qui avaient inscrit 24 points sur un seul jam. On a eu un jam à 20 points tout à l'heure au match précédent. C'est vrai. Voilà. Ouais. Beau power jam d'ailleurs. Un 20-0, c'était pas justement à toute fin du match. Ouais, c'était sur la fin un des derniers power jam sur un power start même d'ailleurs, qui a été très bien exécuté et très profitable pour. Ça y est, j'ai perdu le nom. Les Seagulls, c'était pas les Seagulls. Non, c'était pas les Seagulls. C'était les Full Metal Pocket. Pour les Full Metal Pocket, ouais, voilà. Tout alors à fait. Pour nous les voyons le Monkey Track qui vient réparer la piste. C'est du scotch qui délimite la piste. Du scotch. Pourquoi ? Parce que dessous il y a une petite ficelle qui permet aux joueuses de se rendre compte qu'elles sont dehors. Et donc le scotch se défonce quand on passe dessus. Et donc il faut quelqu'un pour remettre du scotch. Voilà, il y avait une petite réunion arbitrale aussi au centre du terrain. Ouais. Et c'est reparti pour un nouveau jam. 35 à 15, c'est Bordeaux. Bordeaux qui mène Mérignac. Au score pour l'instant, 20 points, ça commence à être pas mal. Et c'est Mérignac qui prend le lead cette fois-ci. Pour Sambé, ouais. Ça bloque bien du côté de Mérignac. Ça défend mieux, on dirait là. Ouais, Bordeaux a du mal à passer. Ah, ça y est, c'est passé pour Hacker. Peut-être un boom track. Ouais. Si elle n'arrive pas à mieux passer, ça va peut-être être mal. Éternel Flamme qui passe. Très bien, elle regarde sa coach pour avoir les indications de ce qu'il faut faire. Elle a regardé où était la jameuse adverse, elle a regardé son banc et là elle a eu l'info et elle a collé. C'est exactement ce qu'il faut faire. D'ailleurs, la coach l'a félicité, lui a fait un pouce en l'air pendant qu'elle revenait. Ouais. Voilà, c'est exactement ça qu'il faut faire. C'est propre. On passe, on regarde la jameuse adverse, on pose la question au coach et le coach nous dit ce qu'il faut faire. Parce qu'évidemment, le coach ou la coach a une meilleure visibilité, c'est ça, du jeu que quand on est au milieu de 9 autres joueuses. Allez, c'est parti, 35 à 19. Picasso pour Petite Mort, Sugar Rush pour le Sambé. Et passe, c'est Picasso. C'est Picasso pour les Petites Morts de Bordeaux qui prend le lead. Sugar Rush derrière. Voilà, il y a une bloqueuse qui allait un peu loin effectivement pour essayer de bloquer Sugar Rush. Elle se fait sortir. Elle n'a pas le droit d'aller trop loin de ses équipières et là elle était vraiment très loin effectivement. Ouh, Sugar Rush qui profite du chaos généré par ça pour passer à l'intérieur sans que personne ne la bloque. Très très bien joué de la part de Sugar Rush qui met 4 points, qui n'a pas le lead, c'est Picasso qui a le lead. Pourtant Picasso pour l'instant 0 points, Sugar Rush 4. Ouais, 4. Et là je pense qu'elle va coller histoire de. Non, même pas. Alors je comprends pas. Si, elle colle. Elle a collé après être passée, mais je pense. 4-4, ouais, je pense que Sugar Rush a quand même mis quelques points. Est-ce qu'elle a mis des points? Je vois pas l'arbitre. Mais non, moi je vois pas lever la main. Sam. Ouais. L'arbitre du Sam, il lève pas la main. Ah, je ne. Non, doit être à 4-4 en fait. 4 partout. Où est l'arbitre du. Je ne vois pas l'arbitre des de Mérignac. Là, à gauche. Ah, voilà. Ben voilà, il n'était pas sûr de ses points, donc il va voir ses collègues pour vérifier ce qu'ils ont vu. Et 0 point. Donc 4 partout. Les petites morts ont eu de la chance sur ce coup-là. Ouais, c'est juste. Je trouve que Chougaroche a plus de difficultés à passer comparé au match d'hier. C'est possible. Ouais. Bordeaux qui est quand même. Défend mieux sûrement. C'est l'équipe numéro 1 au classement pour l'instant. Oui. Donc effectivement. Et puis elles se connaissent bien. On rappelle qu'elles sont juste à côté. Je pense que les deux équipes doivent jouer assez souvent les unes contre les autres. Faire des matchs amicaux régulièrement. Voilà. Donc je pense qu'elles se connaissent bien. Et voilà, Bordeaux est une très très grosse équipe. Oui, parce que on peut rappeler à nos auditeurs que vu qu'elles jouent les matchs de championnat réunis sur 3 week-ends, parce qu'elles sont toutes éloignées les unes des autres, c'est pour éviter trop de déplacements dans l'année. Après le reste de l'année, du coup, elles font régulièrement des matchs amicaux, ce qui leur permet de jouer, de prendre du niveau, de s'exercer, en plus des entraînements, ce qui est important pour après la suite au résultat du championnat. Donc c'est pas parce que c'est le dernier week-end de championnat aujourd'hui, les derniers jours, qu'il n'y aura pas d'autres matchs amicaux d'ici la fin de la saison. De toute façon, généralement chez les Valdiens, il y a un match en mai-juin. Par là, c'est des matchs à thème, voilà, donc on peut venir déguisé, on peut venir avec un petit thème, thème du ski, thème des fleurs, etc. Du coup, voilà, ils profitent que ce soit des matchs amicaux pour que ça soit plus détendu et pour poser des thèmes comme ça. Oui, puis pour tester des joueuses aussi, mettre des jammeuses qui n'ont pas forcément l'habitude de faire ça, etc. Parce que y a forcément moins d'enjeux, même s'il y a quand même, parfois de la rivalité, parfois beaucoup d'envie de gagner. Ça reste très bon enfant. Voilà. Mais là, elles sont là pour gagner, elles sont là pour gagner et pour mettre des points. Ça permet de faire jouer les fraîches aussi, donc les joueuses plutôt débutantes qui ont des expériences. C'est ça. Et de leur faire prendre un peu d'expérience, c'est l'occasion quoi. Ouais. Voilà. Alors là, on est sur un jam où le Sambé a pris le lead. Voilà. C'est ça, Vauxhall du Sambé. Sambé qui est derrière, 23 points pour l'instant face à 39 pour les petites morts. Mais qui est coincé dans le pack et qui vient de coller parce que la jammeuse de Bordeaux. Venait de la rattraper donc pour éviter l'hémorragie et Sambé a pris 3 partout en fait. Elle a pas collé à temps. Ah non, c'est dommage pour elle. 26 à 42, on va partir sur un nouveau jam avec deux joueuses du Sambé en prison. Donc le Bordeaux va commencer avec un avantage puisqu'elles seront 5 contre 3. C'est donc ça. Gros avantage. Il reste un peu plus de 18 minutes au compteur. Les petites morts ont 42 points. Le Sambé a 26 points. Et ça passe pour Misty Elliott des petites morts. Ça passe pour Misty Elliott. Pour Bordeaux. Sugar Rush derrière. Sugar Rush. Elle y arrive, mais ça a pris une âpre bataille. Hein. Elle se fait bien coincer quand même. Ouais. Les petites morts ne lâchent rien. Ouais, c'est bien fait secouer, mais ça finit par passer. Et là, ça passe pour Misty Elliott sur le premier tour de points. Et elle continue, elle n'a pas collé, elle n'a pas fait le boom track. Peut-être qu'elle a vu que Sugar Rush était déjà dans le pack et qu'elle préférait attendre encore un petit tour avant de coller. Ouais, et là ça fait 4-4. Elle se retrouve un peu bloquée dans le pack là, Misty Elliott, donc du coup ça y est, elle colle. Mais je pense que Sugar Rush aura pris au moins un point, voilà. Un point pour Sugar Rush. Ça fera 8 à 5. Oui, c'est ça. 8 à 5 au bénéfice des petites morts qui prennent tranquillement leur avance. C'est pas très grave si elles prennent pas autant de points que possible. Elles sont devant et elles creusent l'écart. Là, on a 19 points d'écart. C'est pas gigantesque non plus, attention. En deux jams moyens, c'est rattrapé et doublé. Mais tant qu'elles ont l'avantage, effectivement, il vaut mieux peut-être ne pas prendre trop de risques. Oui, et puis ça joue aussi psychologiquement sur l'adversaire. Hein, Donc c'est aussi intéressant, même si l'écart n'est pas énorme, elles sont quand même devant. Donc voilà, et ça passe pour Hacker qui prend le lead pour Bordeaux, les petites morts. Voilà. Face à multipass pour le Sambé. Et qui multipasse pas là, qui a du mal. Et alors que Hacker vient de faire son tour initial et prend les 4 premiers points. Ouais, après une belle défense de la bloqueuse adverse, et la mise à terre, elle est passée. Alors faux star pass, elle est passée pour Sambé, mais elle fait son tour initial. Hacker prend 4 points de plus et elle colle. Voilà. Et elle colle 8 à 0 a priori. C'est ça. 8 à 0, les petites morts qui prennent tranquillement leur avance. Voilà, elle joue. ben, elle joue tranquille, elle la joue sûre. Et elle, ouais, elle font bien. Assurée, tout ça, mais ça fait le job, quoi. C'est ça, mais t'attends que celle qui sort le plus, et généralement, il y a quoi à peu près, je dirais, 4 fois plus de fois où c'est Bordeaux qui sort en première, ouais, face au Sambé, donc forcément un énorme avantage. On rappelle que la jammereuse qui passe pour la première fois l'équipe adverse en premier a l'avantage de pouvoir arrêter le jeu quand elle le veut. Et de scorer la première. Ça fait un énorme avantage et c'est les petits noirs de Bordeaux qui généralement prennent ce lead. Tout on est à fait. 58 à 31. Sébastien, ça fait combien 58 à 31 hein, de quoi l'écart? Oh là là, tu m'en. Ça fait 27. Très joli. T'as vu ça? Je vérifie pas, cela dit. J'en sais rien. J'ai essayé de piéger. Alaya quelques fois. Il y a des fois, t'es. Bon. Ah, bah, c'est compliqué les maths. Les maths de primaire, parfois, c'est compliqué. Ah, alors, ouais. 58 moins 31. Mais j'ai ma petite technique. Je ne la dévoilerai pas. Non. C'est une recette secrète. Garde-la pour toi, les auditeurs n'ont pas forcément envie de l'entendre non plus. D'accord, moi c'est pour toi, Justin. Je pensais pas aux auditeurs. Ah, mais moi aussi j'ai les techniques, t'inquiète pas. Hein. Mais je les garderai pour moi. Okay. Allez, c'est toujours deux joues heureuses. Et ça passe pour Picasso, des petites morts qui prend le lead assez facilement. Ouais, toujours deux joues heureuses de Mérignac en prison. Et pourtant la jammeuse de Mérignac sort assez vite, presque un peu moins de demi-track derrière. Ouais. Picasso va essayer de. Voilà, et elle colle. Voilà. C'est un boom track. Elle colle sur le sec. Parce qu'elle colle pas un peu tard, je sais pas, elle a regardé sa coach pour être sûre. Non, elle colle à temps, zéro point prix. Juste à temps, parce que l'autre jammeuse derrière est arrivé quand même assez rapidement. Ouais, elle a vite rattrapé le pack. Parfois, les 2 secondes qu'on prend à regarder l'instruction de la coach peuvent coûter cher. Mais dans ce cas-là, ça a marché. 4 à 0, 62, 31. Ça fait 31 points d'écart, on est d'accord? Le double du score. Facile aussi pour la jammeuse de petit mort, encore une fois. Il y a encore deux joueuses de Mérignac qui est en prison. Hein. Et dont la jammeuse. Donc c'est un power jam. On a un power jam. Décidément, les Mérignacaises, on peut le dire, sont quand même souvent en prison, un peu trop en prison. Certainement, ça donne quand même pas mal d'avantages à Bordeaux. Non, elles sont pas dans le coup là. Non, c'est un peu plus difficile. Putain, elles avaient démarré bien, mais là, elles se sont écroulées d'un coup. C'est ça. Ou c'est peut-être que Bordeaux juste s'est réveillé. Bordeaux s'est réveillé. Son niveau. Et puis surtout, elles maintiennent leur niveau à Bordeaux. Ouais. Où elles sont vraiment toujours une très belle défense, une très belle attaque. Ouais. Là, 70 coup, à 31, 8-0, 8-0, 8-0 sur ce jam. Ça y est, la jammeuse de Sambé de retour sur le track. Mais elle a toujours pas fait son passage initial. Et la jammeuse de Mérignac, de Bordeaux, pardon. De non, parce que derrière elle avait. Elle a pas fait son tour initial de Sambé. Est-ce que t'étais sûr de ça? Ah oui. Ils ont démarré en power track. Ah oui, power start. Ouais, power start, pardon. Power start. C'est vrai qu'elle aurait pu faire un tour de plus. Bah écoute, elle a peut-être préféré la jouer. Pas se fatiguer. Voilà, exactement. On est encore au début du match, on a la moitié de la première mi-temps seulement. Ouais. Il reste moins de 14 minutes, 74 à 31. Elles ont une avance assez confortable, ouais. Une petite mort de Bordeaux. Allez, c'est reparti. Effectivement, peut-être qu'il n'y a pas besoin de prendre de risque ou de trop se fatiguer. On chute, t'as humain. C'est reparti, ça se relève. Ça se relève et ça repart. Et ça passe pour le Sambé cette fois. C'est Mérignac qui prend effectivement le lead, c'est multipass. Ça y est, elle a retrouvé les clés. Ouais. Misty Elliott derrière qui galère un peu, mais qui est finalement sorti, qui a un demi-track de retard. Ouais. Donc je pense que ça a tenté le boom track. Oups. Non, elle se fait sortir multipass. Recyclage de multipass. Multipass se fait sortir. Et je crois qu'elle a collé après en même temps. Après s'être fait sortir. Est-ce qu'il y a des points? Il n'y a pas de points. Non. Aucun point pour personne. Je pensais que multipass avait peut-être pu attraper un petit point au passage. Je pensais aussi, mais non. Juste avant de se faire sortir, mais finalement non. 0-0. Voilà, il reste 13 minutes. On a vu la coche des petites morts qui va venir parler aux arbitres, vite fait. Et on va repartir pour un nouveau jam. Une joueuse de chaque équipe en prison. Ah oui, voilà. Celle de Mérignac qui n'a pas tardé à venir. Et ça passe pour Hacker qui prend le lead pour Bordeaux. Voilà. Et toujours bloqué la jammeuse de Mérignac là. Ouais, Voxel. Elle trouve pas la faille, elle trouve pas de trou. Et Hacker qui rentre dans le tas rapidement. Et qui passe et qui prend 4 points et qui regarde son banc, qui lui dit de continuer. Ouais. Elle a encore un peu de temps, hein, effectivement. La Jameuse de Mérignac n'a toujours pas fait son tour initial. Non. Elle a failli, mais elle s'est fait sortir elle s'est fait recycler très très loin. Elle a son bonnet à la main pour faire peut-être une tentative de Star Pass ou une fin de Star Pass, on ne sait pas. Ouais, après, juste rien que le fait de ne pas l'avoir sur la tête, c'est déjà déstabilisant parce que c'est comme ça que les joueurs se reconnaissent. Il n'y a plus d'étoiles, on ne sait pas laquelle est la Jameuse. Elle a un cœur continu, vient de prendre 4 nouveaux points, donc je crois qu'on est à 8-0. Ouais, 8-0 apparemment. Ah non, elle va en prison. Elle va en prison. Est-ce que les 4 points sont quand même accordés? 8-0. Ouais. Et donc on a un power jam pour Mérignac, mais bon, Mérignac n'a toujours pas passé. Oh là là, Mérignac n'a pas passé. Ouh, il y a du nettoyage et du ménage Voxel qui s'est fait sortir par Yoshi Taras qui s'est fait bousculer ensuite par une autre joueuse de Mérignac. Je n'ai pas vu son nom. Et elle est partie en prison, Voxel, la jameuse de Sam B. Voilà, et donc, du coup, forcément, Hacker est de retour. Hacker est de retour parce qu'il ne peut pas y avoir deux jameuses en prison, sinon il n'y a plus de jeu. Et puis elle est de retour, elle a pris l'élan. Avec force et passion. Avec fougue et passion. Elle force, ça ne passe pas. Et elle arrive à casser les jonctions du tripode et elle passe. 4 points de plus, on est à 12. Voilà. 12 à 0, a priori, Voxel est toujours en prison. Mais elle est debout, elle est de retour. Elle revient, elle se met debout à 10 secondes de la fin. Voxel n'est toujours pas passé. Elle n'a toujours pas fait son passage initial en plus. Toujours pas. Aïe, ça fait mal. Donc c'est toujours un power jam presque pour. Le premier clou du cercueil, attention. Pour comment ça s'appelle pour les petites morts de Bordeaux. Les petites morts, et voilà, elle met 4 points de plus, ça fait 12-0. Elle n'est toujours pas passée. Que le Sam B n'est toujours pas passé, effectivement. Toujours pas passé, quoi. Et ça recycle très très loin derrière. Elle très joue bien. Très grosse défense de Bordeaux. Elle joue très très bien à Bordeaux. Voilà, ils sont allés jusqu'au bout du jam. Ouais. Et on a combien 12 points, je crois. Ouais. 12-0 au moins, sûr. Est-ce qu'elle a pris un ou deux points supplémentaires là, sur ce dernier tour? Je pense pas. 12 à 0. Je crois que le temps est arrivé à bout. Mérignac n'a même pas réussi à faire le passage initial. Ça fait du mal au moral. Je pense que ça n'a même pas réussi à passer quand en face il y a 12 points. Ça fait un peu du mal au moral. Mais voilà, c'est une très belle défense de Bordeaux qui a rien lâché. Puis au bout d'un moment, ça fatigue. Puis au bout d'un moment, ça se démotive aussi. Quand ça fait une minute qu'on bataille et qu'on n'y arrive pas, ça se démotive. Et c'est bien plus difficile dans la deuxième minute de réussir à passer. Alors je crois qu'il y a un temps mort demandé par le coach de Sam B. Parce que C'est les arbitres. Non, effectivement, pardon. C'est bien le Sam B. Ouais, parce qu'on voit le point clignoter sur le tableau d'affichage. Effectivement. Ouais, je pense que petite mise au point là, parce qu'elles prennent l'eau vraiment. Il y a 55 points d'écart. Et là, ne pas même pas réussir à passer sur ce long jam de 2 minutes. C'est un truc problématique qui n'est pas acceptable pour la coach, j'imagine. Donc il va falloir essayer de trouver des solutions à ça. Parfois c'est aussi pour essayer de nouvelles stratégies. La coach observe l'équipe adverse, elle voit comment ça marche et elle se dit elles font ça, donc on va essayer cette tactique là pour contrebalancer leur technique. Et maintenant on est à 86 à 31. Combien tu disais, 55 points d'avance à 10 minutes de la fin de la première mi-temps. 55 points, c'est pas mal, hein? Ouais, ça commence à être une petite avance considérable, hein, difficile à rattraper. Il faudrait quelques jams et une domination pour arriver à rattraper ça. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant de Sam B. C'est ça. Parce que les petites morts ont l'avantage physique et mental aussi, j'ai l'impression. Ouais. Et 55 points d'avance. Donc ça va être extrêmement difficile pour le Sam B de revenir au score. Après, on ne sait jamais, mais dans 10 minutes, c'est la mi-temps. Peut-être que la mi-temps, on va un petit peu inverser les dynamiques. On verra ça. Ouais. Mais bon, si Bordeaux est première du classement, c'est pas pour rien non plus. C'est une équipe très solide et très constante. Ouais, c'est parti, ça passe pour Sam B. C'est Sugar Rush. Sugar Rush pour Sam B. Pareil, déter. La joueuse déter. Et là, ça passe pas pour Picasso là, de Bordeaux. Et, on dirait qu'ils ont rehaussé leur niveau de défense. Ça y est, ça passe enfin. Sam B a rehaussé son niveau de défense. Un petit pet sur le nez pour Ibi Back. Et ça passe pour Sugar Rush. Non, ça finit par passer. Sugar Rush qui est solide aussi. Sur ses appuis, elle se fait bousculer, mais elle tombe pas facilement. Et elle fait un boom track, 4 points assurés. C'est fait. Je pense que ça peut faire du bien aussi au moral de savoir qu'on arrive à prendre des points. Ça faisait combien de temps que le Sam B avait pas pris le lead? Ouais, et qu'il avait pris des points aussi. Ça faisait quelques jams là. Donc là, c'est peut-être le début d'un retour, on espère pour elle en tout cas. Ouais, parce que le jam précédent, en plus, c'était vraiment sous l'eau. Pas de passage initial, pas de prise de points. On va jusqu'au bout du temps réglementaire du jam. Ça fait mal au moral. Donc là, derrière, de reprendre, même si c'est que 4 points, de reprendre des points, je pense que ça peut aider. Et puis en plus on flingue une jameuse en faisant ça. 2 minutes à pousser sur ses patins. Bah ça, ça, ça fait. Il y a deux bloqueuses de Sam en prison. Je pense qu'elles essayent d'être un peu plus agressives, etc. Ça leur joue des tours. En même temps, est-ce qu'elles ont vraiment le choix? Ouais. Là, elles sont clairement dominées par Bordeaux, donc elles tentent des trucs. Il y a le lead pris par la petite mort. La Sam B passe enfin, fait son passage initial. Et petite mort peut prendre Derchatter. Elle a peut-être collé parce que ça y est, c'est le retour de. Elle est en prison ou pas? Et ça passe. Il faut. Ouais, et ça passe pour petite mort. Ah non, elle a, oui. C'est toujours pas passé, mais elle prend au moins déjà 3 points sur la Sam B. Donc on sera à 4 à 3. Mais oui, Derchatter qui va tenter les 8 points, qui est en train de batailler. Ouais. Et ouf, il y a des bouchons, mais des coups d'épaule. Allez, c'est passé pour Sam B, donc qui prend 4 points là, donc ça fait 4-4. Et Derchatter est passé, ça y est. Et donc 8-4. Et école, ça y est, école. Elle arrête le jam là. Du coup, 8 à 4. Ah, ça. 8 à 4 pour les petites morts. Ouais, c'est mais ça. Voilà, un petit retour quand même du Sam B. Ouais. Qui se laisse un peu moins faire. Elle se réveille un petit peu. Bon, peut-être pas encore assez pour pouvoir rivaliser avec Bordeaux pour l'instant. Mais n'empêche qu'on voit du mieux. Ouais. Il y a une bloqueuse de Sam B qui est en prison. Si. Non, je dis pas de bêtises, ça va. C'est bien ça. Donc elle démarre un jam en infériorité numérique encore. C'est ça, 5 contre 4 et petites morts avantagées. Oh, et ça passe à l'aise pour Miski Elliott là de Bordeaux, morts. Des petites morts. Qui prend le lead et c'est Sugar Rush là qui arrive pas à passer, qui galère et qui finit par passer. Trois recyclages qu'elle a repoussé. Ah ouais, elle est solide. Sugar Rush, et voilà, trois bloqueuses qui lui sont rentrées dedans à pleine vitesse. Et ça colle pour Bordeaux. Hein. Et elle ne bouge pas, Sugar Rush. Ouais. Oh là, il est solide hein, Sugar Rush sur ses appuis, c'est assez impressionnant. Parce qu'en face, ça venait vite et avec du gabarit. Non, elle bouge pas. C'est clair, ça n'a pas bougé. Ouais. Et donc, ouais, un boom track là, pour Bordeaux. Parce que Sugar Rush revenait vite, là, rattraper la jameuse de Bordeaux. Pas le choix pour Bordeaux de faire appel, de coller, d'arrêter le jam. Voilà. 98 à 39. Pour garder son avance tranquillement. Ouais, c'est ça. 4 points inscrits, du coup, elle prend tranquillement. Et puis elle creuse l'écart, de toute façon. 59 points d'écart. Hein. Voilà, Bordeaux qui commence encore une fois en supériorité numérique, décidément. Ça passe pour un cœur de Bordeaux qui prend le lead. Ah, et ça, suivi de près par un multipass. Ouais, ouais. Elle est derrière. J'imagine que Hacker va tenter un boom track, rentrer dans le tas. Et voilà. Elle chute sur une bloqueuse adverse. La première bloqueuse et bam, chute. Et elle a collé aussi sec. Et 2 points quand même, tiens, je suis étonné. 2 points quand même pour Bordeaux. Ok, moi je. Je pensais pas. Moi je pensais au moins 1 parce qu'elle avait chuté sur la bloqueuse adverse, qu'elle a fini par passer en tombant, mais j'ai pas vu deuxième joueuse passer. Bon, bah écoute. Ouais, en même temps, on ne voit pas tout de là où on est. Et ça y est, les petites morts ont atteint les 100 points. Les 100 points. Alors que Sambé est encore à seulement 39 points, 61 points d'écart. Ça fait mal, hein. Ça fait mal pour le Sambé. Je m'attendais pas, à vrai dire, à un si grand écart entre les deux équipes. Je pensais que ça serait plus serré. Ouais, je pensais aussi, tu vois. Mais là, Bordeaux montre sa domination. Ouais. Mais solide, quoi. On voit que malgré le fait que Sambé a un petit peu de 10 000 niveau à la suite et de la perte de quelques joueuses. Ça passe pour Picasso de Bordeaux, la James de Bordeaux, qui prend le lead. Et c'est toujours pas passé. Si ça. Il y a eu un star pass pour Sambé. C'était un box Voxel. Mais il y a carrément un track de retard. Voxel. Et ça passe pour Picasso, qui continue. Et alors, elle fait pas de. Elle colle pas Pixel va bientôt arriver. Il y a la technique de l'échapper par les joueuses de Bordeaux. La technique d'échapper, c'est simplement de rouler assez vite pour que la jameuse adverse ne les atteigne pas ou les atteigne plus lentement plutôt. Et ça laisse le temps. Elle colle. Ça y est, elle est arrivée dans le tas. Elle a collé. Ah non, elle s'est fait sortir. Alors, elle s'est fait recycler, donc elle repart. Mais elle avait. Il me semblait aussi qu'elle avait collé. Peut-être que. Mais ouais. Non. C'est pourtant bien elle qui a le lead. Ça bataille sec entre Pixel et Thunder Truck, je crois. Et ça passe pour Picasso qui prend 4 points de plus. Ouais, 8 à 0. Je comprends pas qu'elle colle pas parce que Elle a une joueuse de son équipe en prison, peut-être que peut-être préfère attendre que... Parce que Pixel, bon, elle est toujours bloquée dans le pack, elle n'est pas passée, mais elle prend au moins, je pense, 2-3 points là. Ouais. Elle a chuté, je crois qu'elle commence à être rôtie aussi. Je pense qu'elle préfère attendre, vu qu'elle a de l'avance, préfère attendre que sa coéquipière sort de prison. Qui prend 4 points de plus, donc 12-0 a priori pour l'instant. Pas à 0 pour l'instant, mais je pense qu'elle va prendre quand même 2 voire 3 points. Ouais, peut-être 4 aussi, peut-être qu'elle a dépassé tout le monde, mais quand on dépasse une joueuse adverse, le joueur a tout à fait le droit de revenir derrière si il y a le temps. Donc peut-être qu'elle a dépassé tout le monde, mais elle reste bloquée. Mais ça va aller jusqu'au bout du jam en fait, parce qu'il y a toujours une bloqueuse de Bordeaux en prison. Il reste une seconde. Et voilà, seconde. C'est voilà, fini. 12 à combien? 12 à 3. Ah, ou 16 à 3 même. Ouais, 16 à 3, ça a l'air de. Ouais. 4? Non, ça va être pardon, 15 à 4, pardon, j'ai confondu les arbitres. Ouais, encore les couleurs aussi. J'ai confondu les arbitres, c'est 15 à 4 pour les petites morts qui prennent quand même 11 points. Ouais. C'est pas dégueulasse, c'est qui ont pu prendre ce temps-là pour faire sortir leur équipier de prison, même s'il y a leur pivot qui est parti entre-temps. Ouais, 115 à 43, ça fait très très mal pour le Sam. Ouais, 3 minutes 20 de la fin du après-midi temps, pardon. Ça fait très très mal pour le Sam. Et c'est parti pour un nouveau jam. Bon là ça défend bien parce qu'il n'y a rien qui passe hein, des deux côtés. Les jameuses sont coincés dans les défenses. Mais ça a fini par passer pour les petites morts là. Derchater là qui est passé pour Bordeaux. Voilà, alors qu'il y a une joueuse du Sam qui allait en prison. Derchater qui va tenter les 4 points. Sugar Rush qui n'arrive pas à sortir passer, du pack. Toujours pas fait son passage initial. Non. Voilà. Et ça passe pour Derchater qui prend ses premiers 4 points de 4-0. Et Sugar Rush, elle bataille ferme, mais ça ne passe pas. Hein. Grosse défense Sugar Rush, de Bordeaux. Peut-être qu'il a fait beaucoup jouer aussi le Sambé et qu'il commence à fatiguer. Ouais, on rappelle que le Sambé, c'est quoi? C'est leur deuxième, troisième match du week-end? Je me souviens plus. Deuxième sûr, peut-être trois, je sais plus. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit le troisième match du week-end pour Sugar Rush. Je vais vérifier ça. En attendant, c'est bien les petites morts qui sont devant avec 8 à 0 pour l'instant. Et je vois Sugar Rush qui prend tout en marche arrière. Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre ça. Ah, je crois que j'avais jamais vu ça. La jameuse qui fait tout le tour en contresens pour revenir derrière. C'est assez étrange. Ah, Sambé, c'est que leur deuxième match du week-end. Hein, elles en ont fait un hier. Effectivement, oui. Et contre les Porcelain aujourd'hui. Elles avaient perdu contre les Porcelain Dolls hier, effectivement. Voilà. Donc, non, elles sont pas. Bon, elles ont qu'un match dans les pattes, donc pas tant de fatigue que ça. Mais elles sont évidemment face à une équipe qui est beaucoup plus costaud que ce qu'elles ont rencontré hier. Donc, elles rencontrent plus de difficultés, ça défend beaucoup mieux. Les jameuses qui sont beaucoup plus efficaces aussi du côté de Bordeaux. Et donc, la différence est vraiment notable. Et on le voit au score, hein, parce qu'on est à 127 pour les petites morts, 43 pour Sam B. Ça continue à creuser l'écart. Voilà, apparemment, on a vu Sugar Rush faire quasiment tout le track en contresens tout à l'heure. Apparemment, c'est légal, mais c'est un petit peu de l'anti-jeu. Apparemment, ça a un nom, ça s'appelle Hit the Baby. Ça sert à faire perdre du temps. Je sais pas si c'est à cette joueuse-là ou à l'équipe adverse. J'avais jamais vu ça. Voilà, la jameuse qui fait rentrer tout le tour du track, mais à contresens de d'habitude. D'accord, là, j'ai pas vu. Parce qu'elle s'était fait sortir ou pourquoi elle a fait Je crois que c'était pour la faire revenir derrière, sauf que j'ai pas compris pourquoi elle a fait tout le tour. On va essayer d'éclaircir ça. En attendant, c'est bientôt la fin de cette première mi-temps. Il reste 1 minute 27 au temps. Et on est largement en avance pour les petites morts. Est-ce que. Putain, elles sont pas loin des 100 points d'écart quand même. Sur une première mi-temps, les petites morts jouent extrêmement bien. Le Sambé, qui pourtant est une bonne équipe, est en train de prendre cher, si je puis m'exprimer. Ça. Et ça passe pour Missy Elliott des petites morts de Bordeaux qui prend le lead. Ça passe enfin pour Multipass des Sambé qui fait passage initial. Petit demi-tour de retard. Voilà. Missy Elliott qui va tenter le boom track, j'imagine. Elle s'est fait recycler. Elle est en train de regarder, de vérifier. Elle passe et elle ne colle pas. Elle ne colle pas. Je pense qu'elle faisait confiance à ses équipiers, malheureusement. Et oui, parce qu'elles ont une bloqueuse en prison, donc c'est peut-être pour cette raison qu'elle continuerait sur le terrain pour la faire sortir. C'est ça, elle a encore un peu d'avance. Donc, bon, après, c'est le dernier jam, je pensais, vu le temps. Aïe. On est dans les 40 dernières secondes de cette première mi-temps. Des chutes des deux côtés. On est à 4 partout, je crois, sur ce jam-là. C'est Misty Elliott pour les petites morts qui prend de l'avance. Ah, ça y est, elle passe, 8 points. Misty passe est au sol, ouais. Et elle n'avançait plus. Et elle colle en face, combien de points sur ce tour? Alors, 3, 8, je crois. 3, ouais. Donc mais on est en face à une rotule où elle s'est blessée. Du moins, elle est au sol. J'espère que tout va bien pour elle. 8 à 7, je crois, sur ce jam-là. Les médics vont voir Multipass. Aïe, j'espère que. J'espère qu'elle ne s'est pas blessée. Ça serait encore un autre coup dur pour le Sambé qui est déjà en difficulté. Si elle perd une jameuse, ça va être difficile pour elle. Ouais. Ouais, déjà qu'elles sont c'est bien. Sous l'eau. C'est ça. Là. Et c'est, puis pour le bien, moral aussi, pour le ça ferait mal. C'est ça. C'est bien 8 à 7 sur ce jam là. On est à 131 pour les petites morts. À 50, ça fait très très mal. 89 points d'écart. C'est ça, ouais, 81 points d'écart. Ça fait très mal. Ça fait très mal sur la première mi-temps seulement. Je crois qu'on n'avait pas vu autant d'écart sur une première mi-temps pour l'instant. Non, non. Il me semble pas en tout cas. Je me rappelle pas de ça là pour ce week-end du moins. Oui, pour ce week-end. Oui. Pas autant d'écart, non, effectivement. Il reste 28 secondes. On va aller, je pense, sur le tout dernier jam de cette première mi-temps. Voilà. En attendant que les médics s'occupent de Multipass, on va vous inviter à venir si vous êtes dans le coin, si vous êtes vers Anglet. N'hésitez pas à venir, il reste encore deux matchs cet après-midi. Il y a des talos pour manger, il y a des croque-monsieur pour manger, il y a du café, du thé, de la bière. Il y a surtout une bonne ambiance. C'est vrai qu'il pleut un peu, qu'il fait un peu froid. Prenez une veste et un bon pantalon, mais sinon, venez, il y a une bonne ambiance. Les gradins sont assez bien remplis en plus. Ouais. Ouais. Il y a tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Et si jamais vous n'êtes pas anglais, vous pouvez aller sur la page Facebook des Valen Beaches, le Roller Derby Côte Basque, et vous pourrez suivre ces rencontres en vidéo, tout en mettant évidemment Radio No Culture à côté pour avoir nos commentaires très très professionnels. Ah ouais, d'une qualité exceptionnelle. Ah ben ça, je crois qu'on l'a pas fait mieux depuis Guy Lux. Pourquoi pas? C'est quoi ces rêves? Je sais pas, je cherchais un vieil animateur. Cite-moi un vieil animateur. Un vieil animateur, bah, je voudrais dire pour le sport, j'aurais dit Thierry Roland, tu vois, plutôt. Oui, Jean-Michel Larquet. Il est toujours là. Non, il est mort, Thierry Roland, je sais plus. Ouais, je crois, ouais. Ouais, je crois qu'il est décédé. Ouais. C'est mais pour le sport, c'est des références à Thierry Roland, Jean-Michel Larquet. C'était les rêves, quoi. Oui, mais Guy Lux, il a fait Interville, non? Ah oui, mais non, c'est... Ça marche. Oui, ça marche. Bon, allez, on peut dire. C'est une sorte de sport. Oui, il y avait de la bagarre et de la compétition, donc on peut dire ça. C'est ça, deux équipes qui s'affrontaient, donc oui. C'est presque du roller derby. C'est roller derby sans les patins. Avec la vachette. Avec plus de taureaux. Ouais, plus de vachette. Ouais, plus de vachette plutôt, oui. 131-50, Multipass, il me semble qu'elle repart sur son banc. Et il reste 28 secondes dans Une petite, petite ovation, des applaudissements pour Multipass, ça fait chaud au cœur. Voilà, il me semble qu'elle va s'asseoir, a priori, elle va pouvoir continuer le match. 8 à 7 sur le dernier jam, un score total de 131 pour les petites morts de Bordeaux et de 50 points pour le Sambé de Mérignac. C'est une première mi-temps extrêmement difficile pour Mérignac, on va pas se mentir. Toutes les joueuses sont sorties du track finalement. Qu'est-ce qui se passe? Les arbitres sont en train de discuter. Et le temps continue à défiler. Alors, je sais pas, je trouve ça étrange. Est-ce que le temps doit continuer à défiler? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il n'est pas censé s'arrêter? Intermission, c'est la mi-temps apparemment. Allez. Ah ben d'accord, très bien. Donc écoutez, on se retrouve après cette petite pause d'un quart d'heure pour reprendre le match qui se voit confronter les petites morts de Bordeaux et les Sambé de Mérignac, où on finit sur un score de 131 à 50. C'est ça, première mi-temps très très difficile pour Mérignac. Alors effectivement, elles ont perdu des joueuses au profit de leur équipe élite, d'où une petite baisse de niveau par rapport au week-end du championnat. Mais quand même là, alors je veux bien que Bordeaux soit l'équipe en tête du classement, mais ça fait quand même beaucoup, je trouve. Un tel écart de points, 89 points, c'est ça, Seb? 79 points plutôt. 80 points d'écart. Oui, 81 et 50 avec oui, pardon. Oh, j'arrive plus à compter, ça commence à être difficile. Allez, nous on se retrouve dans une dizaine de minutes pour la deuxième mi-temps entre les petites morts de Bordeaux et le Sambé de Mérignac. A tout à l'heure. À toutes. Et c'est reparti Sébastien, il reste quelques secondes seulement sur cette mi-temps où les petites morts, Almet, est-ce que je vais dire le mot? Est-ce que j'ai le droit de dire le mot? Je sais pas quel mot tu veux employer, donc je peux pas te dire ce que tu peux. J'allais dire branler, mais je suis pas sûr que ce soit très adapté. Les petites morts qui sont en tout cas largement devant le Sambé. Petite correction. Ah, petite, grosse correction à ce niveau-là. 81 points d'écart sur la mi-temps entre la première du classement, la première équipe du classement et le Sambé qui est troisième du classement, je crois. En tout cas, c'était comme ça ouais. au début de ce week-end. Je m'attendais vraiment pas à autant d'écart entre les deux équipes. En tout cas, à seulement la première mi-temps. Il reste encore une demi-heure de jeu. On va voir est-ce que le Sambé va se ressaisir. Mais ce classement en fait il reflète assez trois niveaux quoi. Donc, avec la petite mort et comment ça s'appelle Pibrac. Et Pibrac, voilà. Ils sont bien assez au-dessus du lot. Après il y a un deuxième niveau avec Sambé, les Valientes et Bayonne, voilà. Ça. Et après il y a un troisième niveau vraiment avec les Seagulls, c'est Arbamba. Il y a Limoges ouais. qui est un peu entre les deux. Limoges ouais. qui est un peu entre le fond du classement et le milieu. Mais effectivement, il y a un peu ces écarts de niveau. Je m'attendais quand même pas à autant d'écarts entre le Sam B et les petites morts. Et c'est le cas, 80 points. Allez, on reprend, je coupe la musique. On reprend ce match entre les petites morts de Bordeaux à 131 points et le Sam B à 50 points. Et un projet jam à 3 points pour le Sambé. Est-ce que c'est bon signe pour elle? Est-ce qu'on va pouvoir un petit peu réduire cet écart au moins? Attention parce qu'elles ont démarré la première mi-temps de la même manière et puis après elles ont pris l'eau. De toute façon en vrai ça me semble assez difficile de remonter au score et de gagner pour le Sambé. Peut-être qu'elles vont pouvoir en tout cas diminuer cet écart et ça va leur être bénéfique au goal average face aux Valiant Beaches ou à Bayonne. Et on verra à la fin de ce week-end effectivement après le nombre de matchs gagnés. Et ça passe pour le Sambé qui prend le lead avec Voxel sur ce second jump de la deuxième mi-temps. Et là, par contre, ça fait rail sec là, en défense. Mais ça finit par passer pour la jameuse de Bordeaux. Qui fait son tour initial. Exactement. Voilà. Et ça colle direct là, pour Sambé parce que ça ne passait pas. Elle n'arrivait pas à trouver de faille. Et du coup, elle marque quand même 3 points. 3.0, c'est bien le Sambé qui réduit encore un petit peu l'écart. On rappelle qu'on part de loin quand même, hein, plus de 80 points d'écart à la mi-temps. C'est jouable de rattraper ça, mais il va vraiment falloir que le Sambé augmente son niveau et que Petite Mort descende un petit peu, ce qui n'est pas dans leur habitude. Le Sambé, il va falloir qu'il montre un autre visage que ce qu'ils ont montré en première mi-temps, c'est qu'il va leur rattraper ça. Hein. C'est ça, mais bon, Bordeaux n'a pas tendance à trop... Et ça passe pour Bordeaux qui prend le lead avec Misty Elliott. Elle a trouvé assez facilement... Un passage ouais. dans la défense du Sambé. On est à 131-56. Je dirais qu'il y a une tentative de star pass du côté de Sambé. Misty Elliott qui met 4 points. Non mais elle est trop, voilà, elle va sortir. Je pense qu'elle était vraiment hors zone. Elle se fait sortir en prison. La jameuse du Sambé qui s'est fait pas mal bousculer par la bloqueuse. La jameuse de Bordeaux qui s'est fait bousculer par la bloqueuse de Mérignac. Mais la bloqueuse de Mérignac a fini par bousculer un peu trop loin de ses coéquipières. Donc elle n'a pas le droit de le faire. Elle va en prison. Voilà. Et là, le jam a été arrêté, 4-0 pour les petites morts sur ce jam-là. 135-56, les petites morts loin devant sur ce début de deuxième mi-temps. 79 points d'écart. Nous avons une bloqueuse donc du Sam en prison, 4 contre 5. Bordeaux qui a toujours cette avance là. Et les joueuses, on remarquera les joueuses du Sam qui sont beaucoup plus souvent en prison que celles des petites morts. Plus de fautes, ouais. Alors ça passe, c'est le Sam qui prend c'est le lead Sam, oui. Avec Multipass. Qui a fait une vilaine chute tout à l'heure, mais ça a l'air d'aller mieux, heureusement. Hacker à la suite assez près, finalement, même si elle a quoi, un quart de track de retard. Donc c'était boom track, on passe 3 je pense. Je pense aussi. Elle était pas loin de réussir à passer les 4, mais 3 c'est déjà pas mal. Mais prendre 3 points, c'est toujours ça. Ouais, prix, 3-0 hein. Effectivement sur ce jam, 59 à 135. Le centre toujours derrière, mais qui fait un bon début de deuxième mi-temps. Ouais. Après attention, peut-être que Bordeaux a besoin de s'échauffer un petit peu, de re-rentrer dans le match. Et une fois que ça sera fait, ça sera peut-être inarrêtable encore une fois. On va voir ce qui va se passer. 135 à 59, Bordeaux toujours devant Mérignac. Ah, si elle déroule la même partition qu'en première mi-temps, Bordeaux, là, ça va faire mal. Alors, Picasso qui prend le lead pour Bordeaux, là. Ah ouais, ça bloque ça toujours du côté Sugar de Sugar Rush, qui a son étoile à la main, je pense que... tentative de star pass fausse tentative. Elle essaie de déstabiliser les adversaires. Ça sort. Hop, elle est sortie, mais de Sambé dehors. Picasso qui prend pas de risque. Elle a mis 4 points. Elle était juste derrière sa coéquipière, mais avec un tour d'avance. Son adversaire, pardon, avec un tour d'avance. Donc 4 points, son adversaire n'en avait pas. Un petit col. Et voilà. Et puis on reprend surtout. Ça faisait un moment, je crois, depuis le début de deuxième mi-temps qu'elle n'avait pas mis 2 points ou peut-être très peu. Là voilà, un petit 4-0. Ça remet sur les rails. Voilà. Il y a une bloqueuse de Sambé en prison pour le début de son jam. Encore. J'ai l'impression qu'il y en a une à chaque début de jam. Il y en a une par jam là, qui part en prison. Et attention, je rappelle aussi qu'au bout de 7 prisons, la joueuse qui a fait 7 fois de la prison, elle doit enlever ses patins et sortir du terrain. D'accord. Et elle ne peut plus donc remplacer, elle n'est plus dans le... Elle n'est plus dans l'équipe, elle est éliminée. Plus dans l'équipe pour ce match-là, et donc ça fait une joueuse en moins pour l'équipe, et donc plus de fatigue pour les autres. Ouais, d'accord. Donc faut vraiment faire attention à pas faire trop de fautes, parce qu'en première mi-temps c'était pareil, beaucoup de fautes de Sambé, de joueuses noires sur le banc. Donc là, il va falloir faire gaffe. Est-ce que tu vois les deux équipes qui sont sur le track sont en train de réfléchir à des stratégies, elles discutent entre elles. On fait le 2. Il faut faire ça, je pense que si tu fais ça, on fait ça. Ça peut être pas mal, ah, ok, ouais, d'accord, on fait ça. Ça discute stratégie entre les joueuses. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je vois la jameuse de Mérignac qui va sur le... Il y a un échange. Finalement, un power jam donc pour les planches de Bordeaux. Il y a un des arbitres qui est venu discuter avec le Sambé et qui leur a dit qu'ils avaient trouvé une faute. À la jameuse. Oula, du coup, il y a eu changement total d'équipe aussi du côté de Bordeaux. Ah, bah oui, oui. Suite à l'annonce du Power Jam. En fait, je pense qu'elles font leur défense par rapport à la jameuse adverse. C'est Sugar Rush, effectivement, qui est dangereuse. Je pense qu'elles ont un programme pour bloquer Sugar Rush. Ouais, pour chaque jameuse, je pense qu'elles doivent avoir leur programme donc, de défense. Et donc, puisque Sugar Rush va en prison en tant que jameuse, donc celle qui va être jameuse sur ce jam-là, elles ont remplacé, je pense, les bloqueuses. Allez, c'est parti. Allez, start pour un Power Jam. Pas si facilement, il y a une belle défense pour Derchater, mais ça finit par passer assez rapidement finalement. Derchater pour Bordeaux qui passe, Sugar Rush est en prison, je rappelle. Donc on a un power jam du côté de Bordeaux, peut-être l'occasion d'enfoncer le clou sur cette deuxième mi-temps. Ça bloque bien quand même. Ça travaille bien ensemble quand même, ça se fait recycler. Ça finit par se faire recycler, gentiment mais sûrement. Et c'est le retour de la jameuse de Mérignac sur le track avec sa bloqueuse. Donc on est de nouveau full équipe. Et non, parce que Pixel va en prison. Ah non, à la place. Elle a pris un petit pétonné et elle va en prison. Ça fait deux mauvaises nouvelles pour elle. Ah là là, décidément, la Sambé, ça enchaîne. Sugar Rush qui a fait un faux star pass. Et il est obligé de faire un faux star pass puisque sa pivot est en prison. Donc le pivot est la seule à pouvoir recevoir l'étoile. Donc elle a fait forcément un faux star pass. En vrai, c'est suffisant pour déstabiliser l'adversaire, il n'y a pas besoin de faire un vrai. Donc du coup, on va démarrer un nouveau jam, on est à 147 à 59. Il reste 24 minutes au compteur, toujours une bloqueuse de Mérignac en prison. C'est pas si bien parti que ça pour le Sambé finalement. Là il y a l'air d'être une petite réunion de famille. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un temps mort demandé, j'arrive pas à voir parce qu'il y a un arrêt de jeu. Official timeout, c'est bien les arbitres qui demandent un arrêt. Donc c'est bien ça. Parce que des fois on n'arrive pas à tout avoir. Heureusement qu'il y a le tableau des scores qui donne des indications. Fois le tableau des scores il n'est pas non plus à jour. Il n'est pas toujours complètement à jour. On n'a pas forcément. Mais c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses sur le tableau des scores. Il y a donc les scores généraux, les scores pendant le jam. Il y a le temps. Il y a le temps général, le temps des jams. Exactement. Il y a les pauses aussi quand les équipes ou les arbitres demandent un temps mort. Il y a ça. Il y a le nom des jameuses. Le nom des jameuses qui prend le lead. Il y a beaucoup de choses. Il y a le nombre de temps mort demandé par équipe. Par équipe, il y a le nombre de jams aussi. Exactement, il y a quand même pas mal de trucs. donc c'est pas toujours évident de tout mettre à jour, sachant qu'en même temps, il faut toujours recevoir les informations sur le nombre de jams, etc. Donc tout n'est pas toujours à jour en temps réel, ouais. Mais ça finit au bout de quelques secondes par se remettre bien. Et apparemment, 147, on est parti pour un nouveau jam. Ça 147 pour Petite Mort, 59 pour le Sambé de Mérignac. Mérignac qui part avec une joueuse en moins. Ça passe c'est pour Elliott pour Bordeaux qui prend le lead. Exactement. Multipass qui ne passe pas derrière. Et ça y est, qui passe. Si, ça y est. Enfin, elle a un track de retard. Avec un faux star pass, puisque de toute façon ça pivot est en prison. Et ça passe pour Misty Elliott. Qui regarde la jamaise adverse. Et elle colle. Voilà. Ah, je trouve qu'elle a un peu tardé encore à coller aussi. Ouais, je pense qu'elle a regardé, elle s'est posé la question parce qu'effectivement elle a peut-être un peu de temps. Elle s'est posé la question, elle a collé. Est-ce que. Non, ça va, elle l'a fait à temps quand même, puisque 4-0. Ah ouais, 4-0. Les petites morts mais 4 points. Le Sambé 0 points sur ce jam. 151 à 59 sur le score général. Il reste 23 minutes, un peu plus de 23 minutes. Et c'est on est à 92 points d'écart. Ouais, on n'est pas loin de 100 points d'écart. Ça passe pour Hacker pour Bordeaux qui prend le lead. Passe assez facilement finalement. Ah, et Hacker qui va en prison. Qui perd le lead. Il n'y a plus de lead, il faudra aller à la fin de le temps réglementaire de ce jam du coup. Exactement, ça va être. C'est peut-être l'occasion pour Sandé de prendre du point aussi. Voilà, éternelle flamme qui est la jameuse de Mérignac qui va essayer de profiter de ce power jam. Mais bon, en face c'est Bordeaux et Bordeaux défend extrêmement bien. Et ben, elle était passée dommage, elle chute et du coup les défenseuses elle ont chute, pu revenir. Mais elle sort pas. Ouais. Elle continue, mais effectivement, ça laisse le temps aux défenseuses de revenir devant elle. Ça pousse, et elle passe. Et ça passe. C'est flamme. On est à 4 points, 4 points pour le Sambé. Mais 30 secondes, ça passe vite aussi. Donc, du coup, Hacker va revenir dans vraiment pas longtemps. Elle arrive, elle fonce dans le tas. Voilà, avec fougue et passion. Hein, voilà. Elle fonce dans le tas. Mais c'est sa grande spécialité. Elle fonce dans le tripode, essaye de casser les jonctions entre les trois joueuses là. Exactement. Au niveau des bras. Et elle passe, initial. Donc c'est Eternal Flamme qui a le lead, puisque comme Hacker avait fait sa faute avant de prendre le lead, ne lui était pas accordé, donc elle ne l'a pas perdu. D'accord, donc finalement il y avait pas de. On n'allait pas jusqu'au bout du truc. Non. Et le Sam qui fait un joli score de 12-0. Non, parce que tout à l'heure on a eu cette surprise là au match précédent. En fait, la jameuse avait pris le lead mais fait faute. Mais elle avait gardé le lead, elle avait quand même fait en prenant le lead, il y avait eu aussi une faute. On lui avait quand même laissé le lead, donc elle est partie en prison et du coup il n'y avait plus du tout de lead sur le jam. Ça dépend de à quel moment est-ce qu'elle fait la faute. Est-ce qu'elle fait la faute après avoir pris le lead ou avant d'avoir pris le lead? Si c'est avant, le lead ne lui est plus accordé et donc il y a toujours un lead qui est disponible. Si c'est après, le lead, elle a pris le lead et elle l'a perdu et donc plus personne ne peut l'avoir. Et là on pensait qu'elle avait fait la faute avant de prendre le lead et du coup elle avait quand même accordé le lead. Voilà. Et donc c'est Sugar Rush qui prend le lead cette fois-ci pour le Sambé. Sugar Rush qui marque 4 points alors que Picasso vient à peine de sortir du pack. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde sa coéquipière, elle est prête à faire appel. Mais non, elle continue. Ouh, petite chute. Elle continue, voilà. Elle rentre dans le tas et elle colle immédiatement. Ouais. Étonnant, hein, parce que c'était vraiment au coude à coude et je ne suis pas sûr que ça a été une stratégie forcément gagnante. Si, 7-0, écoute. Apparemment, 3 points sur ce tour-là. Et 0 pour son adversaire, bien joué. Oui, voilà. Bien joué, un petit coup de chance quand même, on va pas se mentir. Parce que vraiment, son adversaire était vraiment coude à coude. Ouais, c'était vraiment serré. Mais écoute, elle a réussi. 7-0, c'est toujours bon à prendre. Bon, ça n'aide pas à énormément réduire l'écart, mais. Ah, attends, il se passe encore quelque chose. Une joueuse en prison. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, il y en avait trop sur le track. Il y avait une joueuse en prison, elle l'a pas vue, donc. Sacrée chute de la jameuse Blanche d'Archater, des petites noires effectivement de Bordeaux. Ouais. Qui essaye de revenir. Mais elle est repartie, elle passe. Et elle prend le lead. Elle prend le lead, effectivement. 151, 70, 78 pour l'instant. Derchater qui. Pourquoi est-ce que. Et ça passe pour Multipass des Sambé. Ah non, c'est Multipass qui a le Sambé. Et elle perd le lead. Elle perd le lead Derchater puisqu'elle va en prison. On est sur un power jam pour le Sambé. Donc celle qui avait le lead part en prison. Elle perd le lead. Pour autant, il n'est pas récupéré par l'équipe adverse. Donc personne n'a le lead. On va aller jusqu'au 2 minutes. Pourtant, je vois l'arbitre la désigner à Multipass. Donc comme quoi elle a le lead. Donc, qu'est-ce que c'est cette histoire? Donc c'est Multipass qui a le lead. Et apparemment, elle l'avait dès le départ en fait. Je pensais que Derchater l'avait pris. mais peut-être qu'il y avait eu une erreur, peut-être qu'on a mal vu aussi. Oui, on n'a peut-être pas tout vu. Donc c'est voilà. Donc vous oubliez ce que j'ai dit, c'est bien Multipass pour le Sambé qui a le lead. Voilà, mais qui se fait recycler. Et retour sur le terrain de Derchater, la jameuse des petites morts. Malheureusement, Multipass et son équipe n'ont pas pu trop profiter de ce power jam. Et Derchater n'a pas fait son tour initial, je crois. Ça, elle vient de le faire à l'instant. Voilà. Donc c'est dommage pour Sambé parce que c'était l'occasion elle est toujours zéro mais Multipass elle a l'air rôtie et puis alors regarde elle se fait recycler et repart de très très loin alors que de l'autre côté Derchater continue avec l'aide de ses équipières à passer et 4 points 4 points pour Derchater. Je comprends pas pourquoi Multipass elle ne colle pas pour arrêter l'hémorragie. Je sais pas peut-être qu'elle est un peu fatiguée, un peu perdue, qu'elle a un peu le un peu dans les vapes. Ah, parce que là, Derchater, elle a l'air d'être partie. Et 8 points pour Derchater. Voilà. Multipass, c'est toujours pas passé. Toujours pas ces 4 points. Là. Est-ce qu'elle a compris, Multipass, qu'elle a le lead en fait? C'est ça. Pareil, non. Hein. C'est pas. Je crois qu'on est arrivé jusqu'au bout. Ouais, t'es arrivé jusqu'au bout. Je suis pas sûr que. Parce que c'était un petit peu. C'était confus là. C'était un petit peu confus, effectivement. Effectivement, on aurait dit qu'elle avait pas le lead, mais l'arbitre et le tableau nous montraient qu'elle avait le lead. C'est ça, moi j'étais persuadé peut-être qu'elle a saisi qu'elle n'avait pas le lead dès le départ. Moi, j'étais persuadé que c'était Petite Mort qui a pris le lead et qu'il avait perdu en allant en prison, mais apparemment non. C'était un petit peu confus, peut-être que Multipass, en plus avec la fatigue, etc., n'a pas bien compris que c'était elle qui avait le lead. Ouais. C'est dommage pour les Sambé. Pour les Mérignacaises, qui n'ont pas pu scorer sur ce coup-là. Ben 159 non, ils auraient pu en profiter, mais non. À 82. Le score se réduit quand même, l'écart se réduit quand même un petit peu. Ouais, mais c'est pas énorme non plus. Passe pour Misty Elliott qui prend le lead pour Bordeaux. Ouais, de l'autre côté, nous avons Voxel qui essaye de passer mais qui se fait bloquer par les bloqueuses. Et là, Misty Elliott est de retour dans le pack. Elle lève son chapeau. Voilà. Voxel, Misty Elliott continue, qui défonce le pack des. Mais qui chute. Des joueuses noires. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a une la pivot de Sambé se fait sortir en prison, voilà. Et Misty Elliott continue. Misty Elliott qui a mis 4 points, Voxel qui n'arrive toujours pas à passer. Hein. Voxel qui ne passe pas, qui se fait recycler loin derrière. Et Voxel qui commence vraiment à fatiguer aussi. Ouais. Qui a profité de Star Pass, qui a profité du retour de Black Shadow pour l'aider. Ouais, Misty Elliott elle continue. Il a 8-0 pour l'instant. Ouais, 8-0, elle continue. Ça y est, Voxel passe. Ça y est, Voxel est passé. On est à 12-0, je pense que Misty Elliott va. Qu'est-ce qu'elle fait? Non, le coach lui dit de continuer, je crois. Ah oui, parce qu'il y a une de ses bloqueuses qui est partie en prison. Mais elle vient d'y aller à un instant, donc je sais pas. Voxel se fait bien bloquer dès l'entrée de la défense. Après, je pense aussi que. Et Misty Elliott continue. Je pense que le coach a bien vu que Voxel était haché et que donc elle aurait du mal à passer. Et Voxel en plus, part en prison. Effectivement, elle va en prison. Donc power jam pour Bordeaux, Misty Elliott. Effectivement, je pense qu'elle va attendre que sa coéquipière sorte, faire appel pour pouvoir ensuite démarrer en power jam. Ouais. Un peu plus de mal à passer sur ce coup-là pour Misty Elliott. Alors que normalement, elle doit avoir tout le soutien de ses coéquipières bloqueuses parce qu'elles n'ont plus de jammeuses à gérer. Elle fait appel. Elle a vu sa coéquipière rentrer sur le terrain, donc elle fait appel immédiatement pour pouvoir démarrer en power start le jam d'après. Est-ce que tu as vu que c'est Sugar Rush qui est en pivot pour Mérignac? J'imagine qu'elle compte sur un star pass. Ouais. Exactement. Puisque ça va démarrer en power jam pour Bordeaux, ça leur laisse beaucoup de chance d'obtenir le lead. 19 points à 2 ce jam. Ah là là, ça fait mal. Hein. Ouais, 178 à 84. On est pas loin, on est à 6 points des 100 points d'écart. Ouais. Et c'est parti, Picasso qui prend le lead évidemment pour Bordeaux. Sur ce power jam. On rappelle que Voxel est toujours en prison. Elle a déjà enlevé son chapeau pour repasser à Sugar Rush. De toute façon, Voxel est complètement haché après le dernier jam. Donc c'est très bien que c'est pas la peine d'essayer. Elle est trop fatiguée. Elle va directement, je pense, essayer de passer à Sugar Rush. Mais si Sugar Rush n'a pas l'air de l'avoir. Sugar Rush continue à bloquer sur la défense. Ça y est, c'est fait. Donc elle le prend. Elle a vu qu'était revenu. Et elle le prend. Et Sugar Rush qui se fait bien bloquer. Bonne défense de Bordeaux. Sugar Rush passe, ça met le star pass. Picasso a déjà 4 points. Elle est en train d'essayer de mettre ses 8 points. Et elle met 8 points. Sugar Rush va pas tarder à tenter de mettre ses 4 points. Et elle colle évidemment. 8. Oula. Sugar Rush commence à fatiguer aussi. Une petite chute toute seule. C'est le signe d'une fatigue qui arrive. Ouais. et de une frustration, je pense aussi. Ça y est, 102 points d'écart voilà. entre les équipes. On y est à la moitié de cette deuxième mi-temps. Il reste un peu plus de 14 minutes sur le match. On est à 102 points d'écart. Je m'attendais pas entre le Sambé et les Petites Maures. Les Petites Maures qui n'ont pas sous-estimé le Sambé. Alors ouais, elles ont bien raison. Ah non, voilà, elles ont élevé leur niveau de jeu à leur niveau habituel, quoi, voilà. Et Sambé là fait pas le poids, fait beaucoup de fautes aussi. Il y a ça qui a joué, je pense aussi, beaucoup de fautes, beaucoup de joueurs sur le banc. De fautes. En attendant, c'est quand même le Sambé qui prend le lead sur le lead là. Eternal Flamme, et c'est Hacker qui est derrière pour Bordeaux. Oh, qui joli et qui passe et qui et met voilà, un bon track. Ouais. Bien joué. Un joli bon track, voilà, une technique toujours efficace. Ouais, bien joué. On rappelle le boom track, on prend le lead au premier passage, on fait un deuxième passage pour marquer 4 premiers points et on fait appel immédiatement pour arrêter le jam, comme ça on a 4 points et la joueuse adverse n'a pas le temps de mettre ses 4 premiers points. Même donc, un seul point. Donc 4-0. 4-0. 88 à ouais. 186. Alors il y a un officiel timeout. Alors. Ça va discuter. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, malheureusement on a toujours pas de micro. Hein. Non. Je sais, je l'ai rappelé avec le match précédent avec Ayala. Alaya. J'ai du mal avec les prénoms où il y a trop de A. Et qu'il va être temps qu'on équipe les arbitres officiels, hein, qu'on puisse entendre les consignes. Il va falloir mettre du budget. En tout cas, ça se chauffe dans les gradins. Je ne sais pas si vous l'entendez à notre micro, mais ça se chauffe du côté du Sambé, j'ai l'impression, hein, parce que je vois les joueuses du Sambé aussi en rythme avec les gradins. Ouais, il y a de l'ambiance, ça fait plaisir à entendre d'ailleurs. Et bon, alors, toujours un official timeout. 186 à 88, 98 points d'avance pour les Petites Maures. Il reste 13 minutes 23. Voilà, on est en direct depuis le gymnase des Pignadas à Anglette. On voit les Valiant Beaches faire du step en haut. Est-ce que tu les vois? Ouais, je les vois là-haut. Ouais. Dans la partie échauffement. Dans la partie VIP, puisque voilà, elles vont jouer le match suivant. Ouais. Ouais, ça chauffe. Voilà, on est au gymnase de Pignada. Il y a encore deux matchs après celui-là. Vous avez le temps de venir, de prendre un talo, de prendre un thé ou un café et de rester tranquillou. En plus, il y a un jeu, je crois. Églantine, dis-moi, il y a toujours le jeu ? Qu'est-ce que c'est le jeu aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a quelque chose à gagner ? Aujourd'hui, on joue pour un panier gardé, nous dit-elle. Voilà, il n'y a pas un panier avec. Avec tout plein de choses dedans, il faut deviner le poids du panier. Ah, c'est comme quand tu veux gagner le jambon, il faut exactement. Deviner sauf le poids que, du jambon. Sauf que là, il y a tout plein de trucs dedans. Différent, ouais, d'accord. Et donc, il faut deviner le poids du jambon. Ça coûte 2 euros. Moi, j'ai essayé. Ah ouais ? J'ai mis un petit poids. D'accord. On va voir si j'ai raison ou pas. D'accord. Honnêtement, je suis assez nul à chier sur ça, donc je crois pas. Grosse chute. Ça a repris. Grosse chute de Bordeaux. Sacrée chute là, d'Archater, mais c'est relevé aussi sec, quoi. Ouais, c'est solide. Et rechute. Et elle doit avoir un coccyx en acier. Ouais. Un acier trempé. Vaut mieux le coccyx, prend cher. Très joli derrière cette petite esquive avant de passer. Elle s'est touchée le bas du dos là en passant, en prenant le lead d'ailleurs, hein, parce qu'elle a pris le lead au passage. Ouais. Alors elle s'est fait génial, c'était la jameuse de Sambé qui l'a d'abord bloqué avant de repartir dans le pack. Donc même des fois les jameuses se gênent entre elles exprès, enfin, ouais, ça fait partie du jeu évidemment, oui. Voilà, mais c'était très drôle à voir. Et là elle colle pour les Petites Maures, un petit boom track, hein, je crois, voilà 4-0, effectivement, la joueuse, voilà. La jameuse du Sambé, elle est pas tarder à tenter de marquer ses 4 premiers points. 102 points d'écart, 190 à 88 pour les Petites Maures. Sans l'argent, à 12 minutes 20 de la fin du match. Est-ce qu'on peut dire que le match est plié ? Ah, ça serait étonnant qu'il ne le soit pas. Ah ouais, là, il faudrait une sacrée surprise. J'aimerais bien, ouais. Mais j'y crois pas. Ah là, c'est plus un braquage, là, à ce niveau-là, si elles arrivent à rattraper. Ah là, si elles arrivent à rattraper, ça sera certainement la plus belle remontée que qu'on ait vue jusque-là. Ah ouais, c'est clair. Allez, c'est reparti. 190 pour les Petites Maures qui prennent le lead. Qui prend le lead là direct. Le Sambé à 88. Et encore une fois, il y a deux joueuses du Sambé en prison, deux bloqueuses. Donc on comprend même pourquoi Misty Elliott est passée aussi facilement. Et elle repasse facilement. 4 points. Voilà. Beaucoup de fautes de la part du Sambé sur ce match. Et la jameuse de Sambé passe pas. Alors Star Pass qui a été effectué. Un vrai de vrai là pour le coup. C'est bien la pivot qui récupère l'étoile. C'est Voxel qui passe son étoile à Pixel. Son tour initial. Et là, du coup, Misty Elliott qui vient de faire le troisième passage. Et qui colle. Donc 8 points. Elle fait appel. On rappelle que le premier passage ne donne pas de points, c'est simplement pour savoir laquelle des deux jammeuses aura le lead. Alors par contre, je comprends pas le tableau là, parce que pour moi, Misty Elliott mettait 12 points, il a marqué 4, et bien là 8. Non, 8 points, Misty Elliott mettait 8 points, 3 passages. Bah, moi je l'ai vu faire 3 passages. Ouais. Oui, 3 passages en comptant l'initial. En plus de l'initial. Ouais, il me semble qu'elle en a fait 3 pour moi. Ouais. Toujours 2 joueuses de Mérignac en prison. Beaucoup de fautes du côté de Mérignac, et on voit que ça donne un énorme avantage aux petites morts de Bordeaux, parce qu'effectivement avoir une joueuse en moins en face, c'est un petit avantage. Avoir deux joueuses en moins en face, c'est un gros avantage. On a 110 points d'écart là, elle continue même à creuser l'écart à Bordeaux. Ouais. À enfoncer le clou. C'est ça, 11 minutes sur le timer. Voilà. Alors on parlait des Valiant qui s'échauffaient sur l'autre gauche là-bas, mais il y a les Porcelain Dolls qui s'échauffent aussi sur notre droite là-bas du terrain. Ouais, effectivement. Voilà. Pour le premier match qui justement va pouvoir s'affronter Valiant Beaches contre les Porcelain Dolls. Ah, ici, il se passe quelque chose, on voit que les joueuses de Mérignac sur le banc discutent avec un des arbitres. À quel propos, je sais pas trop. Il me semble qu'il y a Mais dis donc, mais c'est pas simplement deux joueuses, c'est la pivot et la jammeuse. Ah ouais, donc ça, on va démarrer sur un... Sur un power jam en plus. Un power jam à 3 contre 5. Ouais. Donc énorme avantage. C'est cadeau loulou quoi. Énorme avantage pour les petites morts de Bordeaux qui vont très certainement passer assez vite, parce que bon là il y aura 4 joueuses pour 4 joueuses de Bordeaux pour bloquer les 3 joueuses de Mérignac. Ça va certainement laisser un boulevard à Misty à Picasso. Pour passer. Et voilà, ça c'est fait. Ça passe. Il y a eu un petit affrontement joueur contre joueur. Elle fait très vite le tour Picasso pour toujours profiter de cet avantage-là et marquer un maximum de points. Ouais, parce que 30 secondes en prison, on rappelle que ça passe assez vite. Et c'est parti, voilà, 4 points, 3 joueuses de Mérignac en prison. Changement de luminosité d'un coup là dans la salle. Ouais. Est-ce qu'on peut... Il faudrait rallumer si quelqu'un a touché ça. Si quelqu'un nous entend, s'il faudrait rallumer la lumière. Allez, Picasso qui refait un passage, mais 8 points pour l'instant, c'est le retour des joueuses. Est-ce que tu as vu qu'à un moment donné, il y avait 3 joueuses de Mérignac en prison ? C'est-à-dire le maximum, donc elles étaient en power jam face à seulement 2 joueuses. Ah ouais. Autant te dire que très très mauvais temps pour le Sambé. Voilà, on a déjà 12-0 pour Bordeaux. Voilà, 12-0 pour Bordeaux. Voilà, ça c'est un power jam bien exécuté, bien c'est profitable. Ça. Toujours, voilà. Ça y est, toutes les joueuses du Sambé sont en train de revenir sur le terrain. La jammeuse de Sambé n'a toujours pas fait son tour initial, hein, donc c'est ça. Picasso peut continuer à. Et c'est ce qu'elle fait points, d'ailleurs. Oui, 16 points, voilà, ça y est. 16 points. 16 points en face. Voilà, en face, toujours pas de passage initial, donc on va certainement aller jusqu'au 20. Est-ce qu'elle va égaler le record, voire dépasser le record de Sacha Furious hier? C'est tout à fait possible. Ah, ouais, c'est possible, c'est vrai. Tout à fait possible. Toujours pas. Ça y est, elle passe enfin pour Sambé, donc 20, passage initial. 20 points, est-ce que l'idée d'arrêter. Là, elle fait 20 points pour Petite Mort, normalement. Elle est en train de regarder son coach. Ça y est, elle a couru. Dommage, pas de record. Le record reste pour Sacha. La lumière qui se réteint, qui se rallume. Ah, elle remet de l'intensité. Voilà. Il fait vachement de soleil d'un coup, là. D'un coup, ça tape dur. Voilà. 118 points pour le Petite Mort. 88 points. Oh là là, ça fait combien? 120 points d'écart, ça? 218 à 88. Mon Dieu, ça fait mal. Attends, 130 points d'écart. Ouais, c'est ça. Oh là, ça fait mal. Hein. Ouais. 130 points d'écart pour le Sambé. Ouais. Décidément, c'est vraiment pas leur week-end, c'est pas leur saison, en fait. Hacker qui reprend le lead assez facilement pour les petites morts de Bordeaux face à Sugar Rush qui n'arrive pas à passer. Non, Sugar Rush qui se fait recycler, voilà. Elle qui d'habitude est un mur, finalement c'est celle qui se fait recycler. Et pourtant, elle se fait recycler, mais la bloqueuse qui est sortie va en prison. Et ça passe donc pour Hacker de Bordeaux qui prend le lead. Sugar Rush là, elle est tombée sur solide. Ouais. Elle se fait recycler, ça y est, elle passe. Elle finit par passer. Elle passe enfin, le petit mort de Bordeaux en 4 points. Elle va essayer de mettre 8 points avant de faire appel, j'imagine. Et là, il y a le retour, donc je pense qu'elle met 8 points et 8, c'est bon. Alors qu'est-ce qui passe? Ça continue. Points de plus. Ah, elle tourne pour faire sortir sa bloqueuse de prison. Effectivement. Elle continue. Effectivement, la coach de Petite Mort. Ça y est, sa bloqueuse elle est de retour. Voilà. Elle va peut-être aller chercher quelques points de plus. Quelques points et coller. Voilà. C'est exactement ça. Voilà. Voilà. Tout le monde était revenu. Elle a collé. 4 points pour le Sambé. Combien pour les petites morts de Bordeaux? Bonne lecture du jeu, hein, franchement, c'était à cœur de la jammeuse là de Bordeaux qui était sur le track. Ouais. Bonne lecture du jeu à chaque fois. Ouais. Mais regarde beaucoup la coach. Enfin, les coachs sont aussi assez très compétents et donc, ouais, ouais. Et donc informent bien les joueuses qu'elles ont sous le rigide. Et donc 12 à 4, les petites morts qui décidément prennent largement, largement leur aise. 230 points pour petites morts, 92 seulement pour le Sambé. Et ça passe pour Derchater qui prend le lead pour Bordeaux, encore ouais. une fois. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Sambé prendre le lead. Hein. Ça fait trop longtemps. Ouais, trop longtemps. Donc là, alors il y a une tentative de star pass du côté de Sambé parce que la jammeuse a son étoile dans la main. Et mais ça passe, ça mais passe, passe pour le Sambé, oui, effectivement, l'éternelle flamme. Et qui ça passe à passer pour Derchater qui met les 4 premiers points. Il y avait une bloqueuse par équipe en prison, celle de Mérignac-Crevière. Et boum! Alors, éternelle flamme est arrivée dans le pack et a du mal à passer. Ça y est, ah, elle est passée, Derchater s'est fait recycler. Qui a 4 points, 4 points partout, Derchater essaye de mettre les 8 points. Ça ne passe pas, je pense que est-ce qu'on va lui intimer l'ordre de coller. Et regarde, elle jette un petit coup d'œil ouais, ouais, mais vers sa coach. Mais et elle perd l'avantage. Elle perd l'avantage. Ouais, toujours 4 points ouais. pour petite mort. 8 points pour le Sambé qui prend l'avantage malgré le fait qu'elle n'est pas le lead. Je pense qu'elle va essayer de passer avant de coller. Elle se fait recycler et elle colle. Ouais, elle a collé. Mais peut-être un peu tard. Peut-être un peu ouais. tard. On était, pris, ouais, 3 points, on était à 8-4. On était à 8-4 en tout cas. Elle prend 3 points. Elle ne prendra pas, on va être à 7. Le Sam ne prend pas de points du tout sur ce dernier tour. Si, 2 points. Si, 2 points. Okay. 2 points, on va être à 10 à 7. 10 à 7, voilà. Le Sambi qui n'a pas le lead, mais qui a quand même l'avantage, réussi à avoir l'avantage 2 points sur ce jam. 10 à 7. Et un score général de 237 pour les petites morts à 102. 135 points d'écart. Le Sam qui a enfin dépassé les 100. Le stade des 100 points. Mais quand même 135 points d'écart quoi. Eh oui, c'est gigantesque pour une ouais. équipe du niveau du Sambé, c'est pas habituel en tout cas. Ouais. Et là c'est Sambé qui a pris le lead, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, ouais, ça fait plaisir. 5 minutes 40 voilà. avant la fin du match. Alors Misty Elliott est enfin passé pour son tour initial. Et Multipass est de retour dans le pack pour prendre des points. Bah, elle se fait recycler. Bon, Misty Elliott arrive de retour dans le pack. Ah ça a collé. Multipass. Alors, Multipass a pris combien de points là du coup je vois aucun arbitre. Il y a un arbitre qui est là. Ouais, et l'autre est là-bas. Nous, et l'autre est là-bas. Et bien, apparemment, zéro. Zéro voilà. pour Bordeaux en tout cas. Ouais. Et deux points pour, voilà. pour Mérignac. Il me semblait bien qu'elle avait passé au moins une ou deux joueuses. Parce que c'était juste devant nous là. Pour ouais, une fois, ouais, on ouais. pouvait voir comme il faut. Et donc deux points. Ça y est, 5 petites minutes avant la fin du match, on est reparti pour un nouveau jam. Les petites morts sont en jaune devant, mais c'est Mérignac et avec voilà. Sugar Rush qui prend le lead. Elle se réveille enfin, Mérignac, j'ai l'impression. C'est un peu tard. Et Carapuche qui la suit de près. Ah, mais Carapuche qu'on n'avait pas vu encore c'est vrai, une seule c'est fois. C'est vrai de... qu'on n'avait pas vu en jameuse. En jameuse en tout cas. Alors que c'est une des jameuses qu'on voit régulièrement. Chez après, je pense qu'elle a certainement beaucoup joué le match dernier. Peut-être qu'elle est un peu cramée. La fin du match, les autres. Jamais commence à te cramer aussi, donc j'imagine que. Ouais, ils font tourner, puis avec cette avance-là, je pense qu'elles peuvent se le permettre. Sachant ouais. que Pibrac n'a pas autant de victoires, je crois, que les petites morts de Bordeaux. Donc je crois que Bordeaux est devant, même en termes de match gagné. D'accord. Il me semble, je suis pas sous les mentions ouais, de on ça, verra mais, ce mais soir ou demain quand il y aura la mise à jour du tableau des scores. Exactement. Allez, ça passe pour Hacker très facilement ouais, d'ailleurs, ouais, qui ouais, prend ouais. le lead pour Bordeaux. Face à Eternal Flamme. Eternal Flamme ouais. non plus qui n'était pas, qui a pas été beaucoup jammeuse, je crois. Enfin, un peu plus sur cette fin de match, mais pas au début. Ouais. Elle qui était aussi jammeuse sur le match d'hier, pas mal. En attendant, Hacker qui essaye de marquer ses 4 premiers points. Eternal Flamme et pour le Sam B. Elle passe les 4 premiers points, ça y est, c'est fait. Bah, 4 à 0. Et oh, Eternal Flamme, prison. Qui va en la prison, jammeuse, ouais, ouais. prison Power Jam pour Bordeaux. Ah, c'est vraiment pas l'idéal pour Sam B. C'est un match très difficile et... pour elle. Et non, c'est pas la jammeuse apparemment qui est partie en prison. Si, c'est la jammeuse, elle a son étoile dans les mains. Mais alors pourquoi elle essaie de passer elle avait une attitude de jammeuse, la Buster HM, mais en fait non, elle défendait. Justement. Non, elle essaie peut-être juste défendre. Non, elle essaie de dégommer les bloqueuses adverses histoire de. Ouais, mais comme elle reculait qu'elle venait derrière pour rentrer dedans, elle avait vraiment, on aurait dit la jammeuse. Mais donc voilà, la jammeuse Sambé est de retour là sur le track. Et il y a deux bloqueuses de Bordeaux sur le. En prison. C'est ça, la pivot et une autre bloqueuse. Voilà, alors ça y est, c'est passé pour Eternal Flame qui fait son tour de. Hacker qui est à 8-0, qui essaye, je pense, de passer une dernière fois avant de faire appel. Ouais, et puis je pense qu'elle continue aussi pour faire sortir ses bloqueuses de la prison. Parce qu'elle a jeté un coup d'œil derrière elle a vu Eternal Flame arriver, pourtant elle continue. Eternal Flame qui passe. Eternal Flame qui est 4 points. Et Hacker, elle continue avec 4 points de plus. Qui finit par sortir 12-4. Ah, et Eternal Flame retourne en prison. Aïe. Décidément. Est-ce que ces points lui seront accordés quand même? Il me semble que oui. Voilà, et Hacker, elle a collé comme parce que ces deux joueuses sont sorties de prison et que ça leur permet de démarrer en power start. C'est ça. 12-4, on est d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas de changement de points pour le Sam? Non, on dirait que non. 249 points. 108. À 108. Ça fait 141 points. Ça, une belle douche froide, une douche glacée pour le Sam sur une bonne sur ce petite raclée. Ah, décidément, c'est vraiment pas leur saison. Hein. Non. Ah, c'est reparti Power Jam là pour Bordeaux. Ouais, c'est passé très très facilement pour Missy Elliott. On est sur les deux dernières minutes du match. Hein. Voilà, évidemment, Sam B. Va pas pouvoir profiter là, de ce jam là avec sa jameuse en prison. Bon, et ça a failli passer pour Missy Elliott. Mérignac qui se défend bien. Ouais, qui défend bien. Mais Missy Elliott va finir par passer. Elle passe, 4 points, les 4 premiers points. Et c'est le retour de la jameuse de Sam B sur le track. Qui doit faire son passage initial avant de marquer les points. Alors qu'on est à 4-0 pour l'instant. Missy Elliott qui continue. Défend bien la part de Bordeaux. Qui continue à engranger des points. Oui, très joli de la part de Missy Elliott qui passe par l'extérieur. Et une bloqueuse de Bordeaux qui part en prison. Elle s'est servie de sa main, je l'ai vu faire. J'étais étonné, j'ai failli faire une réflexion, mais j'ai vu l'arbitre réagir et c'était bien ça. C'est interdit d'utiliser ses bras au clavier, on rappelle, à part pour soutenir entre bloqueuses, mais c'est tout. Et non, mais alors là, elle a attrapé sa bloqueuse partenaire et pour la pousser vers la. Sa bloqueuse partenaire vers la jameuse qu'elle est passée. D'accord, ça peut-être. Elle a poussé sa collègue. D'accord. Et j'étais là, ah tiens, on peut faire ça, c'est bizarre. Puis je me suis dit, oui, on peut s'attraper entre bloqueuses de la même équipe. Mais non, elle ne s'est pas attrapée du tout. Elle l'a poussée. 12-4, Missy Elliott pour les petites morts de Bordeaux qui a le lead et qui a l'avantage. Eternal Flame, je ne la vois pas. Elle se fait recycler, loin derrière. Ça passe pour Missy Elliott. 16-4, elle colle, oui. Oh là là là. 30 secondes avant la fin du match, je pense qu'on va attaquer le dernier jam. Alors là, c'est l'hémorragie, il y a tout. Il y a la carotide, il y a la jugulaire, 265 à 112, ça fait mal, ça fait très très mal pour le Sam qui ne s'attendait pas à autant de difficultés. Ouais, non, là c'est clair. Parce que le Sam nous a quand même habitué à mieux que ça. Je pense qu'on va partir sur le tout dernier jam du match. Il reste deux, c'est ça. Il reste parce que dans le temps réglementaire, c'est une seconde, j'ai vu. Oui, c'est vraiment juste histoire de dire qu'on fait le dernier. Quoi. Allez, Sam B a pris le lead. Sam B, allez, on va essayer. Pour l'honneur. Elles vont essayer, exactement pour l'honneur, histoire de finir en beauté. Voilà. Espérons-le pour elles. Ça passe aussi pour Derchater de Bordeaux. Et hop, Sam B. C'est dommage, le multipass qui a failli. Elle s'est pris du coup, elle perd son avance. Un tout petit crosspat. Et c'est la fin du match. Ouais, c'est la fin du match. 0 points pris des deux côtés. Si, 1 point pour les Noirs, pour Sam B quand même, 1 point pris. Et ça finit sur un score de 265 à 113. C'est le score non officiel pour l'instant. Ça fait combien ça, Sébastien? Oh, ça fait beaucoup et j'ai plus envie de compter quoi. Ça fait tellement mal. Mais on est pas loin des 150 en tout cas. Même 152. Ouais. 152 points d'écart. 152 points d'écart. Je crois qu'on n'a pas vu un tel écart du ce week-end pour l'instant. Non. Et je m'attendais pas à voir le record d'écart sur un match du samedi. Score, ça y est, ouais, c'est ça. Ce petite mort. Ça fait Momo. Ah, ça fait extrêmement mal. 152 pour, points, pour le Sam B. C'est une correction. Ah, là, c'est une correction, effectivement. Voilà. Les petites morts qui gagnent de loin, qui gagnent des points aussi pour le goal à virage éventuel, même si je crois qu'elles sont toutes seules devant. Hein. Ah, ouais. Voilà, Sébastien. Ouais. C'était ton dernier match? Ouais, c'était le dernier match du week-end, ouais. Alors, je me suis bien donné quand même. Hein. Bah, tu t'es bien donné, faut bien avouer. T'as fait combien? 6 matchs. 6 matchs. Voilà, 4 yards de ce match. Ça fait combien? À peu près 9 heures d'antenne. 9 heures de direct, 9-10 heures de direct sur le week-end. Ouais. Pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. Sache que la plupart des animateurs de radio ne font pas ça en une seule semaine. Ouais, ben comme il y a un mois et demi quand on était à Mérignac, c'était des World Records. Ouais, on aurait dû appeler Guinness d'ailleurs. Peut-être qu'on aurait dû les appeler pour ça. Bah écoute, mais ça a été un plaisir. Eh ben, c'était un plaisir aussi, j'espère que tu t'es amusé en tout cas. Ouais ouais, c'était cool, j'ai passé des bons moments. Puis ben, hier après, moi les deux derniers matchs, on a eu des belles surprises. Ah c'était très très bien hier, ouais, soir, c'était bien cool. Ça nous a reboosté. Voilà c'est ça. Et ben, j'ai passé un bon week-end. Merci pour l'invitation et pour les commentaires. Et puis ben, à la prochaine. Avec plaisir, hein. Avec la prochaine fois, pour peut-être la semaine prochaine, on verra. J'imagine que ça commencera en décembre comme ça, la semaine prochaine, comme cette année en tout cas. D'accord. En tout cas, je te remercie encore une fois. Nous, chers auditeurs et auditrices, on se retrouve pour le match suivant. Ça sera Limoges contre les Valiant Beaches. Ce sera à 14h30, toujours en direct sur Radio Culture. Encore merci, Seb, et à la prochaine. Avec plaisir. À la prochaine. Ciao. Allez, à tout à l'heure. Adios.